Chapitre 362, l'interdiction absolue de la sorcellerie. Allah Ta'ala dit: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie. Sourate 2, verset 102. 1793. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: évitez les sept péchés capitaux. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, quels sont-ils? Il répondit alayhi salatu wassalam: le polythéisme, la sorcellerie, le meurtre interdit par Allah si ce n'est en toute légitimité, l'usure, la spoliation des biens de l'orphelin, la fuite du champ de bataille et la diffamation des femmes libres, chastes, croyantes et innocentes. Al-Bukhari et Muslim.